c'est L-I-E-R-M-O. C'est l'heure de vérité. Dans ce monde d'égoïsme, je viens parler un peu de moi. Je viens prendre du recul en me plaçant face au miroir. À première vue, quelqu'un de banal qui ne demande rien à personne. Quelqu'un qui surfe sur la vie en attendant que son heure sonne. À première vue, ouais. Car tu sais, ce n'est pas la seule. Si le mensonge fait surface, je lui dirais de fermer ça. On te l'a sûrement déjà dit, il faut pas se fier aux apparences. Car l'homme que j'étais jadis n'est plus celui que certains pensent. Ce que je vois dans le miroir, c'est quelqu'un de pas méchant. Un homme lunatique, mais qui respecte les gens. Un homme qui paraît fort, mais qui dans le cœur a des blessures. Je ne dis pas ça pour faire genre, j'ai connu des moments durs. Un homme digne de confiance et ne prétend pas le contraire. Un homme sur qui l'on peut compter, que l'on soit ou pas son frère. Avant de juger les autres, faut pouvoir juger soi-même. Je me présente devant le micro, mais est-ce que ça en vaut la peine? T'en passe, et moi je donne ma confiance. La méfiance fait désormais partie de mon inconscience. On me demande d'ouvrir mon cœur, j'ai préféré ouvrir ma bouche. J'ai essayé de laver mes peines, mais ça s'en va pas sous la douche. Je me vois pas sur le banc de touche, alors je squatte tous les terrains. Me demande pas un coup de pouce, tu m'as jamais tendu la main. Je suis tellement différent que j'ai l'impression d'être un alien. Tu veux savoir qui je suis, viens étudier mon ADN. Pour ne pas mordre la poussière, j'ai décidé de serrer les dents. Lunatique un peu trop fier, mais avant tout intelligent. Passé inaperçu, moi je le perçois comme une peur. Pour jouer les premiers rôles, il faut d'abord être un acteur. L'heure de vérité m'a fait passer un sale quart d'heure. La mort n'est qu'une bombe dont la vie est le retardeur. Dans le fond c'est ça, je suis sûrement né philosophe. Je me voyais en haut de l'affiche mais le micro était sur off. C'est l'heure de vérité, c'est l'heure de passer à table. Ce moment très solennel où je viens plaider coupable. C'est l'heure de vérité, c'est l'heure de conclure la fable. Étaler tous ses défauts, dis-moi qui en est capable. C'est l'heure de vérité, c'est l'heure de passer à table. Ce moment très solennel où je viens plaider coupable. C'est l'heure de vérité, c'est l'heure de conclure la fable. Étaler tous ces défauts, écoutez-moi, j'en suis capable. Plus le temps passe, plus j'abîme mes cordes vocales. Mon espérance est vue trop belle, aujourd'hui elle atteint pas, je m'en pâle. Sur le mur de mes soucis, à force de jouer avec le feu, mes mots sentent le roussi, et ce coup-ci, je vais pas te faire coup de la déprime. Avec le temps, je m'adoucis, mon doliprane, moi c'est ma rime. Je suis l'otage de ma plume depuis toujours, il a fallu s'y faire. Je vois tellement tout en noir que je fais de l'ombre à Lucifer. C'est l'heure de vérité, c'est l'heure de passer à table. Ce moment très solennel où je viens plaider coupable. C'est l'heure de vérité, c'est l'heure de conclure la fable. Étaler tous ses défauts, dis-moi qui en est capable. C'est l'heure de vérité, c'est l'heure de passer à table. Ce moment très solennel où je viens plaider coupable. C'est l'heure de vérité, c'est l'heure de conclure la fable. Étaler tous ses défauts, écoutez-moi, j'en suis capable. C'est l'heure de vérité, c'est l'heure de vérité. Où je viens plaider coupable. C'est l'heure de vérité, c'est l'heure de vérité. Dis-moi qui en est capable. C'est l'heure de vérité, c'est l'heure de vérité. C'est l'heure de vérité. Où je viens plaider coupable. C'est l'heure de vérité, c'est l'heure de vérité. Écoutez-moi, j'en suis capable.